Chapitre 18e. Maître Vérel. Tout bien considéré, Maître Vérel était exactement ce qu'il paraissait être de prime abord, un homme assez strict, mais non dénué de cœur. La prise de rendez-vous avait été assez froide, mais Patricia Martineau ne s'était pas formalisée. Les assistantes de cabinet juridique aiment faire étalage de leur supériorité, mais il en fallait plus pour l'impressionner. Elle avait bataillé pied à pied, mais avait fini par obtenir gain de cause quand elle avait évoqué une affaire criminelle. Son interlocutrice avait perdu de sa superbe, et la conversation avait pu alors s'établir sur des bases plus saines. Elle avait fini par accorder un entretien en milieu de matinée, le jour même, ce qui était presque un exploit. « Vous avez de la chance, » lui dit son interlocutrice d'une voix aussi revêche que désagréable. « Un client vient de se décommander. » « Maître Vérel peut accorder environ 2 heures à votre patron, mais guère plus car il a un déjeuner à 12h30. » Patricia avait alors à son tour joué à la comédie, mais c'était de bonne guerre. Elle avait raccroché assez sèchement, se dispensant du salut, non sans avoir prévenu qu'elle rappellerait pour confirmer, sous le regard hilar de Dutilleul, qui n'avait pas perdu une miette de la conversation. Patricia Martineau avait tenu son engagement 20 minutes plus tard, alors même que Dutilleul était déjà en route. L'assistante avait râlé, pour la forme, mais Patricia n'en avait cure, elle avait bien ri. Maître Vérel avait reçu Dutilleul à l'heure, ce qui était plutôt un bon point. Le second ayant été marqué quand il ne s'était pas fait prier pour évoquer Marion Chardy. La mort l'avait sacrément secoué, et plusieurs fois au cours de l'entretien, il supplia Dutilleul de trouver son assassin. C'était une jeune fille si gentille, si comme il faut. Vous savez, j'ai en charge d'autres adolescents, que la vie a malheureusement placés dans une situation similaire, mais aucun, je dis bien aucun, ne m'a causé si peu de tracas. Marion était facile, bien élevée et surtout profondément simple. Je n'ai pas honte de dire que j'y étais très attaché. Elle avait, à quelques jours près, l'âge de l'une de mes filles. C'est sans doute pour cela que je me sentais si concerné. Bien sûr, dans un métier comme le mien, il est toujours dangereux de se montrer sentimental. Mais il était quasiment impossible de ne pas aimer Marion, de ne pas être sensible aux malheurs qui l'ont frappée. Elle avait tout juste 2 ans quand je l'ai vue pour la première fois. Elle était dans sa poussette canne, sage comme une image et jolie comme un cœur, avec ses cheveux blonds. À cette époque, elle était au bon soin de Josette Roset, une personne très capable. Dutilleul eut alors un signe d'approbation. Je l'ai rencontré. Ah, voici qui va grandement me faciliter la tâche. Était-il vraiment impossible qu'elle conserve la garde de Marion Chardy? Après tout, ne possédait-elle pas toutes les compétences? Absolument. Josette Roset était et est toujours une très grande professionnelle. Cependant, vous en avez décidé autrement. C'était, croyez-moi, uniquement pour le bien de l'enfant, même si j'étais bien conscient que j'allais occasionner un déchirement supplémentaire. Seulement, il y avait la haine que Josette Roset éprouvait à l'égard de Jean-Jacques Mousseron. J'ai pu le mesurer à mon tour, et j'ai bien senti que même si les années passaient, la colère n'était pas prête de redescendre, d'où l'obligation d'agir rapidement, en éloignant Marion d'elle le plus possible. Croyez bien, monsieur le commissaire, qu'aujourd'hui encore, je sais avoir pris la meilleure décision. Même si cela ne m'a pas fait plaisir, il fallait en quelque sorte neutraliser Josette Roset. Son ressentiment ne pouvait que rejaillir sur Marion, et cela, je n'en voulais aucun prix. Josette Roset était persuadée que Jean-Jacques Mousseron avait une responsabilité dans l'accident, et je ne pouvais décemment pas laisser Marion grandir dans cette suspicion constante. Il y allait de son équilibre. Néanmoins, vous n'avez pas manqué de prendre vos renseignements sur le sinistre, parce que cela fait partie intégrante de mon métier. Et croyez bien que je suis allé aussi loin que les moyens de l'époque m'y autorisaient. Ce qui veut dire que j'ai fait appel à un détective privé, Jean-Michel Sartou, avec lequel j'avais déjà eu l'occasion de travailler dans le passé. C'est un spécialiste de ce genre de dossier, et son expertise est reconnue. Celui-ci a mené une enquête aussi discrète qu'approfondie. Ses conclusions étaient sans appel, il s'agissait bien d'un dramatique accident. Vous n'avez pas informé Josette Roset pour autant. Parce que je savais pertinemment que pour elle, la messe était dite et qu'elle n'aurait pas changé d'avis. J'ai une profonde estime pour Josette Rosay. Mais hélas, dans le cas de Mousseron, elle manquait et manque toujours d'objectivité. Non qu'elle ait totalement tort, car l'homme n'est en rien sympathique, mais il a d'incontestables qualités. Du Tilleul était curieux de savoir ce que Maître Vérel pouvait lui apprendre sur Jean-Jacques Mousseron, aussi le laissa-t-il poursuivre. Comme ? Eh bien, pour commencer, et en dépit de l'essor considérable qu'a pris CM Process sous sa direction, Jean-Jacques Mousseron n'a jamais confondu ses intérêts avec ceux de la société. Les comptes n'ont jamais fait l'objet de la moindre discussion. La gestion était parfaitement transparente, ce qui est pratiquement un exploit, si l'on considère les sommes brassées. Ensuite, malgré le fait que nous ne nous entendions guère, il n'a jamais cherché à m'évincer, bien au contraire, pas plus qu'il n'a cherché à influencer mon jugement sur Josette Rosay. Je vous le redis, l'homme est incontestablement peu sympathique, mais il est extrêmement intelligent. N'oubliez pas qu'il avait la possibilité de couler CM Process et de remonter une structure identique ailleurs. Pourtant, il n'en a rien fait. Il a fait fructifier au mieux les intérêts de Marion sans jamais chercher à revenir sur la répartition des actions de l'époque. Il n'en a pas été de même lors du décès de Marion. Croyez bien que je le déplore encore aujourd'hui, mais hélas, la chose était prévisible. Pardonnez-moi, maître, mais j'ai bien peur de ne pas bien vous suivre. Étant son parrain, Jean-Jacques Mousseron aurait dû se soucier davantage de Marion. Oh ! Je ne dis pas que la chose soit compréhensible pour un profane, mais je suis assez coutumier de cette situation. Je n'ai pas beaucoup croisé Jean-Jacques Mousseron, mais j'ai su dès le premier contact qu'il se moquait complètement de la petite. Pour être encore plus clair, j'ai compris que pour un jeune loup aux dents particulièrement longues, Marion n'était ni plus ni moins qu'une grosse tuile dont il devait se débarrasser au plus vite. De plus, je n'aimais pas franchement son attitude vis-à-vis d'elle. Il évitait le plus possible de la regarder, comme s'il voulait à tout prix ignorer son existence. J'étais profondément choqué, même si, bien sûr, je n'en ai rien dit. C'est aussi ce qui m'a décidé à m'occuper de Marion. Ces éléments étaient incontestablement intéressants, car ils donnaient le contexte dans lequel Marion avait évolué, mais Du Tilleul choisit de recentrer l'entretien. Revenons maintenant à la raison de ma présence aujourd'hui. Qui vous avertit de la tragédie ? Lucienne Sublet, naturellement. Elle m'a appelé en premier parce qu'elle était profondément bouleversée. C'était horrible. Elle ne parvenait pas à articuler deux mots. Du coup, j'ai préféré me charger d'appeler les secours. Vous vous êtes rendu sur place ? Bien évidemment. C'était mon devoir, en tant que tuteur légal. C'était une horreur absolue, vraiment, un véritable massacre. J'ai dû faire un terrible effort sur moi-même pour ne rien toucher, la prendre une dernière fois dans mes bras. J'avais tellement envie de la consoler. Je sais que c'est parfaitement irrationnel, mais c'était ainsi. Je peux vous comprendre. Les photos m'ont été communiquées. J'imagine que vous avez dû identifier le corps. Impossible de se dérober. Pauvre petite, je lui devais bien ça. Mais ce ne fut pas une partie de plaisir. Je n'oublierai jamais son regard, jamais. Bien sûr, dans ma partie, je suis confronté à des drames, accidents, suicides, mais un meurtre, c'est tout de même autre chose. Qui pouvait en vouloir à Marion ? Elle était inoffensive. Elle était tout de même à la veille de prendre possession de ses parts dans CM Process. Cela pouvait en gêner plus d'un, à commencer par Jean-Jacques Mousseron. Désormais, Marion aurait eu son mot à dire. Bien sûr. Je ne nie pas qu'au regard des sommes qui étaient en jeu, la chose est toujours possible. Mais j'ai vraiment du mal à y croire. Sans doute pas Jean-Jacques Mousseron lui-même, puisque vous m'avez dit que l'homme est trop intelligent. Mais il pourrait s'agir d'un tout petit maillon qui aurait pris une initiative. À ce que j'ai compris, CM Process est devenu une très grosse structure. Maître Vérel poussa un soupir. Oui, indéniablement. La société possède des bureaux installés sur les 5 continents. Une filiale vient juste de s'ouvrir à Canberra. Si Marion avait vécu, elle aurait pu faire un joli tour du monde, rien qu'en visitant toutes les branches de CM Process. Pour sûr, elle en aurait été ravie. Elle était si curieuse de tout, si avide de découvertes. Franchement, je n'étais absolument pas inquiet pour son avenir. De ce côté-là, tous les voyants étaient au vert. J'étais vraiment content pour elle, car elle le méritait. Elle n'avait rien d'une fille à papa, arrogante et prétentieuse. « Vous y avez suffisamment veillé, » dit doucement du tilleul. Maître Vérel sourit. « C'est vrai, car c'était mon devoir. Cependant, croyez bien, je ne gagne pas tous les coups, bien au contraire. » Avec certains enfants, malgré l'emploi de la plus grande fermeté, vous ne pouvez jamais empêcher une certaine dérive. Quand il y a beaucoup d'argent en jeu, ceci est vrai dans 90% des cas. Au début, vous êtes leur bon génie. Tout ce que vous dites est parole d'évangile et à de très rares exceptions près, ils se comportent correctement. Seulement, ce temps-là ne dure guère. Dès qu'ils prennent conscience de leur pouvoir, de ce qu'ils vont recevoir, les choses se dégradent rapidement. L'élève, déjà médiocre, se met en roue libre et que pouvez-vous faire? Je ne suis pas payé pour me battre. Je me contente de régler les factures qui généralement s'alourdissent avec le temps, mais qui puis-je? Souvent, je suis la dernière autorité morale, mais passé 18 ans.